Book 2 79 79 79 الصفات 2 Adjectif 2 Adjectif 2 أنا لابس ثوبا أزرق Je porte une robe bleue. Je porte une robe bleue. أنا لابس ثوبا أحمر. Je porte une robe rouge. Je porte une robe rouge. أنا لابس ثوبا أخضر. Je porte une robe verte. Je porte une robe verte. سأشتري شنطة يد سوداء. J'achète un sac noir. J'achète un sac noir. سأشتري شنطة يد بنية. J'achète un sac brun. J'achète un sac brun. سأشتري شنطة يد بيضاء. J'achète un sac blanc. J'achète un sac blanc. أحتاج لسيارة جديدة. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. أحتاج لسيارة سريعة. J'ai besoin d'une voiture rapide. J'ai besoin d'une voiture rapide. أحتاج لسيارة مريحة. J'ai besoin d'une voiture confortable. J'ai besoin d'une voiture confortable. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. En haut habite une vieille femme. En haut habite une vieille femme. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. En haut habite une grosse femme. En haut habite une grosse femme. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. En bas habite une femme curieuse. En bas habite une femme curieuse. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Nos hôtes étaient des gens polis. Nos hôtes étaient des gens polis. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Nos hôtes étaient des gens intéressants. Nos hôtes étaient des gens intéressants. لدي أطفال محبوبون. J'ai des enfants affectueux. J'ai des enfants affectueux. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Mais les voisins ont des enfants effrontés. Mais les voisins ont des enfants effrontés. هل أطفالكم مؤدبون؟ Est-ce que vos enfants sont sages? Est-ce que vos enfants sont sages?